aux gens qui nous écoutent sur Facebook, également sur toutes les plateformes web, de podcast également, de plateformes web, YouTube, Spotify, et ainsi de suite. On va essayer de commenter de demander à notre ami Phil Desgrains. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, il y a une rumeur qui circule encore. Moi, je n'y crois pas, là, mais je veux encore un article qui est sorti émanant de Pittsburgh qui mentionne que Sidney Crosby pourrait demander une transaction. Est-ce que tu y crois? Ben écoutez, difficile à croire parce qu'il a joué toute sa carrière là-bas. Il a commencé là-bas. Il a gagné deux Coupes Stanley. Je veux dire, s'il n'avait jamais gagné, je pourrais dire oui, il veut gagner une Coupe Stanley. Mais dans le cas de Sidney Crosby, il a déjà gagné la Coupe Stanley. Est-ce que les Pittsburgh voudraient absolument rebâtir son équipe, de servir de Sidney comme outil d'échange pour faire un échange majeur? Peut-être que Pittsburgh a demandé ça à Sidney, puis Sidney est prêt à faire ça. Il est peut-être pas prêt non plus à dire on va rebâtir l'équipe, puis je veux être au centre de rebâtir cette formation-là. Donc, je n'ai pas le goût de faire ça. Peut-être aussi, je ne sais pas comment il va agir, mais écoute, c'est une rumeur. Il y a un nouveau DG qui arrive là-bas. Il faut admettre que Pittsburgh n'est plus l'équipe qu'ils étaient. Ils n'ont pas une tonne de joueurs non plus à échanger, là. Tu sais, à part le temps, Malkin puis Crosby, ce sont les éléments clés. Pas grand choix de repêchage non plus, hein? C'est... Exact. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'à ce moment-là, peut-être que dans le cas de Sidney Crosby, il pourrait dire oui, parfait, mais je vais choisir à quel endroit je vais aller puis avec quelle formation. À ce moment-là, ce sera peut-être au nouveau DG Ron Hextall de s'entendre avec la formation que lui aura choisie. Je suis convaincu qu'il y a une clause dans son contrat qui dit oui ou non, je vais accepter. Mario Lemieux non plus, qui est propriétaire de l'équipe, ne voudra pas non plus, je pense, déplaire à Sidney Crosby, partir de là en chicane. Il va partir de là heureux parce qu'il a fait quand même de très belles années là-bas. Puis ça a été le joueur de concession après Mario Lemieux. Là. Donc, moi, personnellement, c'est une chose possible. Tu sais, Wayne Gretzky a été échangé. Oui, mais tu sais le contexte, Phil. Peter Parker. Oui, mais on va donner un exemple. Marc Messier. Ouais. Marc Messier a été échangé. Tu sais, je veux dire, il y en a des grands joueurs de hockey qui voulaient absolument gagner à nouveau. Puis, écoute, Tom Brady vient de le prouver. Là. Ouais. Il gagnait à une place. Puis, il a voulu gagner ailleurs. Puis, il l'a fait. Peut-être que Crosby veut encore gagner parce que Crosby, c'est un gagnant. Il ne faut pas se le cacher, là. C'est un gars qui veut absolument gagner, puis il ne joue pas de demi-mesure. Est-ce qu'il veut être un gars qui va rebâtir une formation? Peut-être qu'il n'y a pas le goût de faire ça, là. Phil, mettons, on va se prêter au jeu. Mettons que c'est vrai, là. Ça vaut quoi, Sidney Crosby, sur le marché? Ben, ça vaut énormément cher pour une équipe qui est prête de gagner, puis qui est capable de dire, je vais sacrifier des choix de repêchage, je vais sacrifier de jeunes joueurs pour aller exactement où je veux aller. Est-ce que des équipes, c'est l'élément clé qui leur manque? Demain matin, tu dirais, viens à Montréal, est-ce qu'on va gagner la Coupe Stanley? Je te dirais, pas nécessairement. Non, non. Tu sais, il y a encore peut-être des lacunes à des endroits que tu peux combler. Mais, exemple, tu dis demain matin, tu l'envoies à Pittsburgh ou tu l'envoies à Washington, qui ont déjà de grands joueurs puis des joueurs vedettes puis qui sont prêts de gagner. Peut-être qu'à ce moment-là, Crosby pourrait être l'élément. Mais encore là, il n'y a pas des tonnes d'équipes qui sont prêts à sacrifier plusieurs choix de repêcheurs, plusieurs jeunes joueurs pour obtenir Crosby. Mais peut-être que certaines formations sont prêtes à le faire. Est-ce que deux choix de première ronde plus ton meilleur prospect, ça vaut ça? C'est embêtant, Danny, pour puis une raison. Là, tu as le contrat. Je ne sais pas comment tu penses, ça va être 15 millions en cas de Crosby, son contrat. Ouais, je partais pour te dire, il y a une chose qu'il faut tenir en considération. Ouais. Quelle équipe qui a de la place dans son plafond salarial. Mais là, Pittsburgh peut prendre une partie du salaire. Ouais, ouais. Ça peut arriver aussi, que Pittsburgh prenne une partie du salaire pour dire, nous, on est prêt à prendre une partie du salaire. Mais qui a de la place sur un plafond salarial pour prendre 12, 13, 14 millions? Mettons que Pittsburgh dit, j'en prends 5, il t'en reste 10. Montréal, à peine 1 million à prendre demain matin. Là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas bien. Oui, tu vas sacrifier peut-être un ou deux jeunes joueurs, mais les jeunes joueurs, ils gagnent un million et demi, 2 millions. On n'a pas de place, là. Le plafond salarial, je le répète, ça joue un rôle extrêmement important dans ces négociations. C'est un peu pourquoi que les propriétaires d'équipes ont mis un plafond salarial pour une raison. Les équipes comme les Rangers de New York, les Bruins de Boston, le Canadien de Montréal, les Maple Leafs de Toronto, les équipes qui ont des millions et des millions, s'il n'y avait pas de plafond salarial, un peu comme au baseball, les Yankees... Les Dodgers, ça devient ridicule. C'est exact. Le prix n'a pas. La Ligue nationale a fait ça exactement pour dire, nous, on n'aura pas ça, on ne vivra pas avec ça. Donc, c'est un peu ce qui peut arriver, mais c'est une transaction qui serait difficile à faire, ça, il n'y a aucun doute. Ben, écoute, parce que quelque part, je me dis, pour le, c'est le plafond salarial, puis aussi un autre aspect aussi, c'est que Serge Savard, je ne sais pas si tu as vu passer ça cette semaine, puis moi, je le crois, Serge Savard, quand il dit ça, il y a 18 équipes qui iraient en financement, ça veut dire qu'ils perdraient entre 35 et 50 millions de dollars. Ça, c'est, un c'est, autre... une année qui va coûter énormément cher aux propriétaires d'équipe parce qu'ils veulent absolument avoir du hockey. Les droits de TV sont là également, puis c'est des droits. Surtout que la Ligue nationale est prête à renégocier ses contrats de TV bientôt. Ouais. Là. Donc, pour eux, il était primordial de satisfaire les réseaux de télévision pour y aller. Mais écoute, il n'y a pas de miracle à avoir. Là. Je veux dire, il n'y a pas de revenu qui rentre. Je regarde le junior majeur. Oui, le gouvernement a donné 1 million. Mais les équipes ont des budgets de 2,8, 2,9, 3 millions, 3 millions et demi. Donc, tu sais, à quelque part, ils vont manquer de l'argent. Là. Donc, il n'y a pas de miracle là-dedans. Puis deux, c'est à part les droits de TV, là, puis tu peux même mettre une annonce et vendre, là, mais ça n'a pas le même effet que si tu avais 20 000 spectateurs à l'intérieur de l'amphithéâtre avec tous les produits dérivés qui sont maintenant majeurs, toute la visibilité qu'il y a à l'intérieur des amphithéâtres, avec tout ce que ça regarde, moi, personnellement, je crois Serge Savard quand il dit, puis Serge Savard doit être quand même assez bien briefé pour se connaître des propriétaires d'équipe qui disent qu'il va y avoir des propriétaires qui vont, il va être essoufflé tantôt, là. C'est actuellement, la Ligue nationale peut aider parce que la Ligue nationale, c'est riche, la Ligue. Ouais. Comme la Ligue junior major du Québec est pas mal pris financièrement. Et demain matin, ils peuvent bien un peu aider l'équipe, mais ils ne se mettront pas en mauvaise situation financière pour aider la formation. Ils vont dire aux propriétaires, quand vous faites des profits, vous les mettez dans vos poches, ben là, malheureusement, ben, vous devez absorber des. Vous étiez d'accord avec nous en début d'année, il faut vivre avec ça. Là. Mais Phil, c'est ça pour te dire pour finir avec Crosby, si tu as plusieurs équipes qui perdent 50 millions, il n'y a pas grand équipe qui serait prête à prendre le salaire de Crosby aussi. Je te l'ai dit tout à l'heure, place sous plafond salarial. Ah oui. Deux. Demain matin, je vais donner un exemple chez Canadien de Montréal. Tu sais, par exemple, t'as Price qui prend 10 millions, t'as à la défense, tu as une couple de joueurs qui prennent une couple de millions également. Comment est-ce qu'il s'appelle? Drouin prend 6,5 millions. T'sais. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il va être difficile à transiger. C'est pas toutes les équipes qui sont prêtes là-dedans. Puis, ça va prendre un propriétaire qui est capable de mettre l'argent dans ses poches. Mais moi, j'ai pas de doute. Là. Le propriétaire des Blues de Boston ou Jeff Molson ou les Leafs de Toronto, c'est moi, des archi-millionnaires. Eux autres, mettre l'argent dans leur poche, ça ne dérange pas. Je le verrai à Denver. Ils sont prêts de la Coupe Stanley. T'sais, mettons, on va se prêter juste pour le jeu. Là. McKinnon avec. Tu sais que t'en penses? C'est sûr que ça va. Ah, ben écoute, c'est sûr que demain matin, tu mets Crosby avec McKinnon, avec le groupe de joueurs qu'ils ont et surtout la jeune défensive. Ouais. Parce que s'il y a une équipe qui est prête à payer le prix, exemple Colorado, quand même de bons jeunes défenseurs, des bons jeunes prospects également. Ils sont probablement prêts de payer le prix. Mais là, de dire que c'est le plafond salarial qui va toujours jouer là-dedans et ça prendra une équipe qui va absorber. Puis là, Crosby, je ne sais pas comment il reste d'année à son contrat. 4 ans. 4 ans. Tu sais, 4 ans à 15 millions, là, ça gruge ton plafond salarial. Puis tu peux gagner une Coupe Stanley, mais après ça, les McKinnon, puis tous les jeunes qui s'en viennent, puis les autres joueurs qui sont là. Moi, je pense que Pittsburgh, écoute, Malkin va probablement partir. Moi, c'est évident qu'il va y avoir des joueurs qui vont partir. Puis, écoute, ils n'ont pas de relève. Ils n'ont aucune relève. Les choix repêchage, il n'y a pas de choix repêchage. Ils ont une relève d'un mineur qui laisse à désirer. L'équipe ne gagnera pas. Fait que on dit que Jim Rutherford a quitté parce qu'il était sur le point d'échanger Chris Letang. Donc, c'est sûr que Letang est un joueur plus facile à échanger. Malkin contrat aussi. Moins volumineux, il reste moins d'années sur son contrat. C'est un joueur que tu peux échanger et que tu. Et je pense que c'est pas ce qu'on appelle un joueur de concession. Là. Crosby, c'est un joueur de concession. C'est pas la même chose. Deux, à Pittsburgh, la grande. Demain matin, t'enlèves Crosby. Là. T'as qui pour vendre des billets là, l'année prochaine? Là, quand tu vas revenir à l'arena? Avant Mario Lemieux. Hein, c'est exact. Donc, c'est les propriétaires doivent y penser. C'est beau de gagner la Coupe Stanley, mais il y a une chose qu'il faut que tu penses. Remplir ton amphithéâtre pendant des années. Crosby le fait à Pittsburgh, Mario Lemieux. comme je te dirais, à Toronto, ils ont certains joueurs vedettes actuellement qui remplissent l'aréna, mais il y a des endroits qu'ils n'ont pas le moyen. McKinnon au Colorado, là, ça va, là. Ils ont des bons jeunes joueurs, une bonne équipe, ils remplissent l'aréna. Mais demain matin, enlève McKinnon ou un ou deux autres joueurs, pas sûr que tu vas remplir l'amphithéâtre. En Floride, c'est la même chose. Puis à Tampa Bay, quand McKinnon va partir, là, oh, Ah je suis sûr que cette année, moi, avec la pandémie, ils ouvriraient l'aréna. Pas sûr qu'il n'y a pas. Avec les Québécois qui ne sont pas là-bas, là, il y aurait pas mal moins de monde dans l'amphithéâtre. ouais. Ouais. Dernier point, je vais te parler. Alexis Lafrenière, on voit également des articles à New York qu'on commence à se mettre on commence à mettre en doute un petit peu Alexis Lafrenière. Sans mettre en doute, je pense que le talent est là. Il reste que. Est-ce que je me trompe en disant peut-être que les Rangers. Moi, j'ai appris cette semaine, peut-être Chantal Maccabée au 91-9 cette semaine, dire que. Il est avec un jeune de 21 ans comme co-chambreur à New York. Je ne sais pas, là, Sidney Crosby, on parle de Crosby, il a habité sur Mario Lemieux. Vincent Lecavalier avait Enrico Ciccone. Lafrenière, c'est un talent, là, avec deux jeunes à Mais 21 non, ans à New York. moi je ne pense pas que c'est là, parce que Non, Lafrenière est un OK. joueur discipliné. Je n'ai Ouais. jamais entendu dire junior qu'il y Non, avait OK. un certain problème à quelque part. C'est sûr que c'est une adaptation. Tu arrives dans la Ligue nationale de hockey, tu n'as pas eu le camp d'entraînement comme on a eu avant. Il y a eu toutes sortes de choses qui s'est passées. Ce n'est pas une saison comme les autres actuellement. Il faut regarder ça là, en disant qu'est-ce qui va arriver puis comment ces jeunes joueurs-là vont se débrouiller. Mais moi, personnellement, je pense que je ne suis pas inquiet pour un gars comme Lafrenière. Un jour ou l'autre, il va se démarquer, mais ça prend un certain temps. Puis, il y en a qui prennent plus de temps que d'autres. Deux, il s'agit aussi que le style d'équipe, le genre d'instructeur. Écoutez, Pas dans Patrick sa Laine, individu, mais. Patrick Laine, l'autre soir, là, il a joué 12 minutes. Puis hier soir, il en a joué 22. Là. C'est le même coach, là, mais avec deux games différentes. C'est pour ça que je vous dis que le rôle de l'instructeur là-dedans, la confiance qu'on lui donne, puis deux, c'est toujours une question de confiance. Danny, moi, j'ai fait du sport tant de ma vie. Le moment où tu n'as pas confiance, où tu doutes. Puis moi, j'ai arbitré au hockey, puis je me disais, ma première réaction quand j'arbitrais sa patinoire, Phil, trompe-toi pas sur ta première punition que tu vas donner. Si tu donnes un mauvais call, un mauvais appel, tu risques de te traîner toute la partie. Donc, choisis la bonne façon, le bon appel que tu dois donner pour la première. Quand tu donnes la bonne appel ou la bonne punition comme arbitre, il risque de la reste de la partie que tu fasses un bon travail. Même chose pour un joueur de hockey. Quand il n'y a pas la confiance, puis ça ne fonctionne pas, hier, le Canadien part, puis en partant un échappé, le gardien de but fait un arrêt. Si le Canadien marque, tu n'as pas la même partie. Le Canadien n'a pas marqué, le gardien a fait l'arrêt. À partir de là, ça donne un stimulant à l'autre équipe. Et tu repars. C'est la même chose avec Lafrenière. Actuellement, il ne marque pas de but. Il joue sur un troisième trio. C'est correct. Je regarde son temps de glace. C'est quand même correct. 15 minutes, 16 minutes, 14 minutes. Pour un joueur recru, c'est tout à fait normal. Mais là, actuellement, ça ne fonctionne pas. Mais pas dans le sens d'indiscipliné, mais dans le sens peut-être avoir un grand frère avec lui, là, tu sais, pour un Bah, consultant. bon, écoute, aujourd'hui, là, tu sais comme moi. Dans le temps que Mario Lemieux, Crosby est arrivé là-bas, puis tout, c'était, comment je te dirais ça? C'est pas la même chose. Mario Lemieux est un joueur établi, c'est un joueur qui avait une carrière bien établie. Il arrive que, aujourd'hui, c'est des business. Les joueurs de hockey, là, hein, ils travaillent pour leur poche, ils travaillent pour leur bien-être, leur famille. Eux autres, c'est ce qui compte. Après ça, là, tu sais, je veux dire, oui, le petit jeune à 18 ans, il arrive, là. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à prendre un petit jeune de 18 ans, l'amener à la maison avec ses enfants, puis dire hey, nous, on va te garder, on va jouer la pouponnière, là. Je ne pense pas. Donc, moi, je ne pense pas que c'est ça, le fait qu'il reste en appartement avec un autre joueur de 21 ans. D'abord, c'est ainsi, tu sais, comme moi, tu ne peux pas faire la fête, tu ne peux pas sortir. Tout est confiné, tout est fermé, là. Mais c'est plus difficile. Il s'attendait peut-être à connaître un meilleur début de saison. Mais moi, j'ai encore confiance que Ah, Lafrenière regarde, puisse écoute, être un joueur de hockey qui va marquer la Ligue nationale. C'était Jack Hughes qui connaît une meilleure saison avec les Devils. Il n'a pas eu facile, Jack Hughes, quand il est arrivé là, avec les Devils. Ben oui, il y en a plusieurs comme ça. Jonathan Drouin, là, tout le monde dit Joe c'est assis, il joue Thornton. bien. Hey, ça fait quoi, 6 ans, là? Puis pourtant, c'est un deuxième choix overall, là. puis il devait être tout à fait exceptionnel. Ça a été plus difficile. Aujourd'hui, ben, écoutez, il connaît un peu plus de succès, puis c'est tant mieux pour lui, mais ça demeure une question de confiance. C'est la même chose pour Lafrenière. Mais on s'en reparle vendredi prochain. Merci. Comme à l'heure de Philippe Gagnon.